thinking about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive, I don't wanna fight. C'est l'émission. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Radio Des Maisons pour l'émission Le Bel Avis. Super. Alors, on commence par un tour de table. Allez, en technique, on commence par. Pas moi, Samuel. Oui, accompagné. Marion. Bonjour. Le Marion. Frédéric. Alex Iraner. Patio. Alexis. À côté d'Alexis, nous avons Samuel. Ensuite Frédéric. À côté de moi, pour finir, on a c'est Jean. C'est Jean, ouais. Alors, on a préparé l'émission et de quoi allons-nous parler? On va parler de nos camps. Des séjours qui ont déjà été organisés. Parler de quoi d'autre? On va parler de le sport, ouais. Foot. Le foot. Le foot en particulier, ouais. Quoi d'autre? Les sorties. Les sorties qui seront prévues sur le mois de juin. Mois de juin. Il y a quelques rubriques, il y a la météo de Jean. Une recette de Katia. Peut-être un peu d'actualité, Samuel. Les petites infos que tu nous diras tout à l'heure. Oui. Ouais. Alexis nous parlera des séries télé. Et puis voilà. Puis d'autres choses. Et on finira par se dire au revoir pour l'été. Comment l'été? On fait une coupure durant l'été. L'été. Ah oui. Oh non. L'été. On profite un petit peu de vacances tous. Donc on reviendra pour au mois de septembre. Au mois de septembre. On fait une petite pause musicale avant de commencer. Oui. Non, la première musique c'était Samuel Ferry qui a choisi les mariages. Vas-y. Les mariés de Vendée. Sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés, je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais. Et les églises se souviennent, les tout premiers je t'aime. Qui courait à perdre haleine, voir à l'eau des fontaines, leur tout premier baiser. Et les moulins se rappellent, la blancheur des dentelles, des mariés de Vendée. Qui courait dans les ruelles, escaladaient les échelles, pour se sur les murs des villages, les nuits de la Saint-Jean. Je t'attendais comme un rivage, quand un bateau naufrage au cœur de l'ouragan. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des prénoms de baptême des mariés de Vendée qui couraient à perdre haleine, voir à l'eau des fontaines leur tout premier baiser. Et les étangs se rappellent les serments éternels sous les grands peupliers. Merci. Alors, qui veut entamer un sujet ? Moi. Alors, tu veux nous parler de quoi, Alexis ? De Guetta. De David Guetta ? Oui. Ah bon, bah vas-y, parle-nous de David Guetta. C'est qui, David Guetta ? C'est un chanteur qui chante. Ouais, c'est un DJ plutôt. Un DJ. Il fait de la musique avec... CD, ses platines et ses trucs électroniques. Oui. Ouais. Et tu aimes bien ? Question ? Oui. Question ? Et hashtag. C'est un. Comment on dit un, il est de quelle nationalité ? Mais hashtag. Tu sais, s'il est français, anglais. Anglais. Il est français à la base, David Guetta. Il habite. Un vrai français. Jean-Claudien. Oh, voilà, il habite un peu partout, mais c'est un français, oui. David Guetta. Jean-Claudien Nada. Mais c'est qui ça ? J'étais voir avec maman le chanteur à la Jean-Claudien Nada. D'accord, c'est un chanteur aussi alors. Je connais pas, alors je peux pas te dire. Il est originaire de ce chanteur à la Jean-Claudien Nada. Je ne sais pas. Ouais. Après. Il chante en quelle langue déjà ? Résu. Il chante en quelle langue ? Résu. Non, c'est pour moi plutôt que de partir sur un autre sujet. Il chante en français, en anglais, en espagnol ? Anglais. Anglais ? Résu. Quoi ? C'est comme un nom. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler de leur chanteur ou de leur chanteuse préférée ? C'est qui toi, Katia, ta chanteuse ou ton chanteur préféré ? Que t'aimes bien. Camille Girard. Oui, c'est moderne en plus, oui. C'est bien. Frédéric. Oui. C'est qui vous que vous appréciez ? Un chanteur, une chanteuse ? Un chanteur ? C'est lui. Qui alors ? Est-ce que tu as un nom à nous donner ? Allez, vas-y. Un vieux chanteur ou un chanteur qu'on entend beaucoup à la radio en ce moment ? Amir. Il y en a plein, hein, des chanteurs. Mais oui, là, pour t'aider, donner une piste, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, quel nom tu donnerais ? Allez, un nom qui te vient tout de suite. Un chanteur. Claudio Capeo. C'est ça ? Frédéric. Non, ça vient pas ? Les Maxers. Ah, je sais pas, Maître Gims, Vianney. Il y a qui en ce moment? Kim V. Johnny. Et il est mort. Ben oui, mais il chante, on l'entend quand même. Posthume. La même messe. Bon, Fred, réfléchis, on va faire le tour, on reviendra après. Tata yo-yo. C'est qui chante Tata yo-yo? Annie Cordy. Ouais, t'aimes bien? Ouais. C'est qui chante Tata Yo-Yo sur le groupe Étoile? Marion. Ah bon, c'est Marion? Ah bah écoute, Marion. Je savais pas. Elle chante bien. Et toi, Jean, t'aimes quoi, toi, comme musique? Pas Franck, Michael, moi. Musique? Oui. Qu'est-ce qu'il chante, Jean, le vendredi? J'étais mis au mauvais. Les chansons populaires, il aime bien. Oui, Jean, il aime bien le... Vive le vent d'hiver. Mon beau sapin. Voilà. Mon beau sapin. Mais il aime bien aussi les musiques un peu de rap comme Black M. Il chante, Jean. Ouais. Ouais. Madame Pavushko. Ouais. Oui, par exemple, oui. Ouais, et Rachel. Oh, ouais. Et Samuel. Qu'est-ce que tu aimes bien, Samuel? Il fait qu'il chante 98. Les filles qui chantent 98, c'est ça? Ah ben je connais le pas. Le coupe foot. Ah oui, mais ça, oui. Oui, tu parles de la musique que tu as choisie, mais est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse que tu aimes bien particulièrement? C'est qui que tu aimes bien, toi, comme chanteur? Johnny. Ouais. Et une chanteuse? Tu dis toujours que t'aimes bien. C'est une plus. Grande rousse. Une belle femme rousse. C'est pas Mylène Farmer que t'aimes bien? Si, mais on est champion. C'est la musique que t'as choisie pour la radio? Mmh. Oui. C'est une autre chanson que tu as choisie, mais la musique que tu dis là, c'est la Coupe du Monde 98. Ah, et t'aimes bien la chanson là? Oui. D'accord, ok. J'avais pas suivi. Tu n'avais pas entendu? Non, j'avais pas trop compris. Ok. 98. Elle a été remise au bout du jour, je crois, d'ailleurs. Hein, ils ont rajouté des sons. Le jerk. C'est pas lui. Le jerk. Alors, entre c'est Samuel, qui est plus musique récente, et puis Samuel Ferry, qui est sur les années 70, faut suivre, hein. 80, peut-être. Oui, 80, oui. Début, je pense, 80. Il y a une équipe de foot. C'est qui chantait le jerk? Thierry Hazard. Oui. J'aime bien Franck Michael, moi aussi, comme chanteur à la masse. Ouais, malheureusement. Il est plus. On n'en peut plus, nous, du Franck Michael. On en a marre. On en a marre. On en a marre, de façon. On fatigue Samuel avec son propre nickel. On en a marre, de façon. On déprime des fois. On déprime. On en a marre. Ouais. C'est rien qui fout. On en a marre, façon. Alors, Fred, est-ce que t'as retrouvé le nom de ton chanteur? Ou pas? Oui, non? Alors. Oui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ton chanteur? C'était bien, écoutez. Moi j'ai trouvé. Le silence. Vas-y Frédéric. D'accord. En fait c'est ça. C'est pas de bruit. Voilà. C'est ça qu'il préfère. Après. Une chanteuse. Bon on saura pas, tu vas le garder pour toi. C'est ça? Ouais, tu sauras pas. Un petit souci. Ouais. Je voudrais que tu as. Un sujet qui n'était pas préparé, de lancer une idée comme ça, Alexis. Un truc anti-social. Est-ce que d'ailleurs, comme c'est toi qui es en deuxième pour la chanson, on met ta chanson? Oui. Alors c'est qui? C'est quoi comme chanson? Madame? Madame Mavoshko. Voilà. C'est parti.

merci, Alexis. Tu as vu, ça arrive. Ça va arriver. Alors, on voulait évoquer quoi maintenant ? Le séjour. Oui, le séjour de qui ? De moi, de quand ? De moi et... Katia. Lena. Alors, vous êtes parti où ? Non. Et c'était pas trop dur de partir là-bas ? Non. Pierre. Loïc Pierre. Oh là là. Loïc Pierre. Il est en forme. C'est lui. C'est qui, Léna? L'infirmière. Léna, l'infirmière. C'est lui, Chantrelle. C'est lui, Chantrelle, c'était lui. La quoi? Vas-y, dis, là. Elle vous a fait quoi, beaucoup, Sylvie, pendant le séjour? Ah oui. Alors, c'était Sylvie, la cuisinière. La cuisinière. Ouais. Et puis? Julie. Et Julie. Et vos camarades qui vous ont accompagné? C'était qui? Nous. Alors vous, oui. Samuel, Katia, il y avait qui d'autre avec vous? Anaïs. Ouais. Sandra Kena. Et Sangdelet. Voilà. Donc c'est beaucoup, hein? Lundi au vendredi, ouais. Dans le Doubs. Et c'est où le Doubs? Haute-Pierre. Haute-Pierre. Comment ça Haute-Pierre. S'appelle? Pierre. Pierre, Fred. Le département, ça s'appelle ? Le Jura. Voilà. Le Jura, t'es loin, Katia ? Dans le Jura. Et vous, vous avez fait quoi comme activité durant cette semaine dans le Jura ? On a été voir l'église. Oui. On a mangé au restaurant. Oui. Vous avez fait quoi d'autre, Katia ? Le comté. De quoi le comté? Fromage. Oui. Vous avez fait quoi avec le comté? Nous, là-bas, il faut. Vous avez fait quoi avec le comté? À manger. Vous en avez mangé? Vous en avez acheté aussi pour en ramener à vos parents? Ou pas? Oui, mon, moi. On a acheté. Ouais, t'en as acheté aussi, toi, Katia? Ah oui. Roule, boulette. Vous avez fait quoi d'autre? Vous avez fait d'autres choses? Rien. T'as marché beaucoup? Ouais. Vous avez eu du beau temps? Pas trop, hein? Pas trop, c'était un peu de soleil, un peu de pluie. C'était un peu de pluie. C'est comme ça là-bas, ouais. En haut de pierre. C'est bon. C'est bon, c'était tout. C'était tout, mais tu nous avais parlé d'escalier, non, Samuel? Bon, aujourd'hui, après-midi. Oui, mais pendant le séjour, tu nous avais pas dit que tu avais monté plein de marches? Si. Plein de marches. Pour arriver tout en haut? Ouais. C'est beau, hein? C'était beau? Oui. C'est trop fatigant? Si, hein? Ah. C'est dur à monter, descendre, monter, descendre, hein? Et tu l'as fait quand même? Oui. Avec qui? Avec Julie, Nina, la famille, et Sandrette. Et tu dois aller Sandrette, tu vois. Je suis le bonjour plutôt que de dire ça. Bonjour, Sandrette. Voilà, c'est mieux. La saucisse de Joël. Donc ça vous a plu et vous êtes rentré vendredi après le repas? Oui, manger McDo. Vous avez mangé au McDo au retour? Vous aviez l'air content en tout cas. Oui. Content de votre séjour. Content. Ouais, content. Bon. On n'a pas fait de photos. Vous Vous n'avez pas fait de photos, ça m'étonne. Si, j'ai vu Léna, l'infirmière. Elle avait dû faire des photos, sûrement. Les mettre sur l'ordinateur. Vous vous demanderez pour pouvoir les visionner. Mais les onis. Les regarder. Les visionner, les photos. Oui. Ça veut dire regarder. Et le gîte où vous étiez logé, il était bien ? Oui. Oui. Gîte de... Haute-Pierre. De Pierre. De Pierre, pas Haute-Pierre. C'est... C'était le gîte de Pierre. Haute-Pierre. Haute-Pierre, c'est à côté de Nancy. Hein, mais c'est pas... Manger des pâtes, manger des saucisses, épinards. Oui. Elle fait des saucisses. Spécialités jurassiennes. C'est un composé. Oui. C'était bon, hein, tout ça. Samuel, des grosses saucisses. Des grosses saucisses. Hein? C'était des grosses saucisses. Oui. Ah, c'était peut-être des saucisses jurassiennes, alors. C'est beaucoup Sylvie qui a cuisiné, c'est ce que Samuel m'a dit. Je suis en train de... Ouais, elle a cuisiné ici. Elle cuisine bien en plus. Et en dessert, vous avez eu des bons desserts également ? Tarte aux pommes en dessert. C'est bien. Tarte aux pommes. Tu passes un message à Sylvie Mathieu s'il veut. Elle ne t'entend pas. Peut-être. Tu as su un message quand même. Bonjour Sylvie Mathieu. Bonjour Sylvie Mathieu. C'est bon, le message est passé ? Ouais. Ok. D'autres choses sur votre séjour dans le Jura ? Non. Et Jean, Frédéric, Samuel et Alexis, qu'est-ce qu'il y a en lien avec vous pour le Jura ? Il n'y a pas un truc qui va se passer prochainement dans le Jura pour vous aussi ? Acheter des trucs. Mais oui, mais acheter des trucs où ? Pourquoi on parle du Jura ? Mathias ! Fred, il se passe bientôt quoi pour le groupe étoile ? Un séjour aussi, au même endroit, enfin à peu près le même endroit que vous êtes parti, dans le Jura, on part aussi, dans 15 jours. Le frère. C'est une grande maison, vous ? C'est un petit ? C'est un comme vous, c'est une grande maison. Ouais. Et là, cette semaine, il y avait également un séjour, ils doivent revenir cet après-midi. Est-ce que vous savez où les copains et copines sont partis cette semaine ? Dans le Jura ? Non. Non. À Pombières. À Pombières. Pombières-les-Bains. Pombières-les-Bains. Pas très loin. Donc ils reviennent cet après-midi. Nous voir. Oui. Vous pourrez leur poser des questions sur leur séjour si vous le souhaitez. La moukate. D'autres choses, pardon, sur les séjours ? Je peux parler de la nuitée à la masse. Alors, je te propose de parler de ta nuitée après la musique de Jean. Ouais. Tu veux bien, Samuel ? Parce que sinon, le temps passe et on n'aura pas le temps d'écouter toutes les musiques. Ça marche ? Oui, ça marche. Et Jean, tu avais choisi quoi comme musique ? Le lion. Le lion, moi, je sais pas. Frédéric. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les âmes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Plus de rage. De la nuit. De sa nuit. La masse. À la masse. Alors, raconte-nous. C'était bien. C'était bien ? Ouais. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ouais. J'ai mangé quoi de bon hier soir ? Vas-y, dis-nous. C'était pas des pitates. C'était pas des pitates ? C'était quoi alors ? C'était pas des pitates ? Cordon bleu. D'accord. Avec quoi ? Les légumes. Les légumes. D'accord. C'était quoi comme légumes ? Des haricots. Non, des carottes. Des carottes. Ah, faut vous mettre d'accord là. Hein. Il y avait peut-être et des carottes et des haricots ? Ouais. Non, pas haricots, mais les carottes. Alors ? T'as fumé la moukade ? T'as fumé la moukade ? Et en dessert, c'était quoi ? Notre coco. Les compotes. Les compotes ? Mmh. C'était des compotes, Samuel ? Non. Mais notre coco, non ? Faut vous mettre d'accord. Mais vous ne mangez pas tous la même chose, peut-être ? C'était quoi, Samuel ? Notre coco. Mousse à la noix. Coco. Ah non, c'était moi, coco. Ah bah alors, alors Samuel. Coco. Oh ma coco. Les flou. C'est... C'était en flanc, moi coco. C'est bon ça. Et notre coco. Ok. Et la soirée, il y a eu quelque chose ? T'as fait quelque chose de particulier ? Regardez. T'as regardé la télé, écouté de la musique, jouer aux cartes. Écouter la musique dans ma chambre. Et t'as écouté quoi ? Franck Michael. Oh ! Quelle surprise ! Incroyable ! Incroyable ! T'as bien dormi ? Ouais. Ouais. En tout cas, ça a l'air, parce que t'es bien bavard ce matin. Oui, c'est vrai. Tu veux dire d'autres choses ? Rien. Rien ? Bah, c'est super de parler de tes... De tes soirées, de tes nuits. Mais comme on évoquait la soirée et une probable... Comment ? Non, ça ne comme... faisait pas la bonne phrase. Que tu avais probablement regardé la télé mais que tu ne l'as pas fait. On peut peut-être enchaîner avec Alexis qui voulait nous parler des séries de télévision, à la télévision. Oui, Mathieu. Sur quelle chaîne ? La Une. Ouais. Les Tuches. Alors les Tuches, on t'avait expliqué, c'est pas une série des Tuches. À moins qu'il y ait une série des Tuches, mais ça m'étonnerait. Non, c'est pas une série foot. C'est des films. Un film. C'était plus sur les séries télé. Donc t'avais dit Mimi Mati, t'avais dit quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film que t'aimes bien regarder ? Comme série, pardon, que t'aimes bien regarder ? Être criminel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi la maison mosaïque d'un... Avec un chien. Axe. Oui. Avec quatre chiens. Avec plusieurs chiens. C'est qui ? Ah mince. Googles. Non, Si, c'est Googles. Non. C'est un dessin animé, avec quatre chiens. Cinq chiens, peut-être. Google. Je suis pauvre. Voilà. Google. Comment ça s'appelle ? Non, les dessins animés. Pas de patrouille. Voilà. Pas de patrouille, t'avais parlé. T'avais parlé de quoi aussi ? Il y a quoi en ce moment ? Qui a démarré hier la télé ? Là. Je peux aller faire pipi. Hein. Médicoptère. Je peux aller faire. La Coupe du Monde. Ouais. Et Médicoptère, tu regardes ça à la télé ou sur la tablette? À la télé. À la télé, sur quelle chaîne? La NT1. D'accord. La NT1. Et les autres, vous aimez quoi regarder à la télé? Qu'est-ce que t'aimerais regarder sur la télé? Jean. Jean. Qu'est-ce que t'aimes regarder, toi, Katia? À la télé. Rex. Le Rex a couché. Ouais, mais ça, c'est ce qu'Alexis il a dit. Mais toi, c'est quoi que t'aimes bien regarder souvent à la télé? Là où ils vendent plein de bazar. Les aspirateurs, les produits ménagers. Produits. Ouais. T'aimes pas regarder télé-shopping ou ce genre de trucs? Non. Ah bon, moi je me trompe pas là. Le colon. Quoi d'autre que t'aimes regarder? Mais vraiment. Ouais. Top Chef. Top Chef. Ouais, ça aussi t'aimes bien. T'aimes bien cuisiner. C'est lui qui cuisine. C'est pas moi. Ça donne des idées quand on regarde ces émissions. Toi, tu regardes quoi? Bon, j'en regarde un peu de tout. Tu regardes Top Chef. T'aimes pas ça? Et toi, Fred, t'aimes regarder la télé? Oui. Tu regardes quoi sur la télé? Ah, la télé, pardon. Du sport, des séries, des films de quoi? Des films drôles, des films de guerre, d'action? Des films de guerre? Non. Genre de Stéphane. Genre, qu'est-ce que t'aimes bien regarder à la télé? Le Royaume. On dirait. Genre à piquer les lunettes à Frédéric. On dirait un jeu. Enlève les lunettes de soleil, t'en as pas besoin là. On dirait Men in Black. Fredo. J'enlève ça. De toute manière. On dirait Jabba Montagnier. Oui. En plus, oui, hein. C'est vrai, oui. J'ai pas osé le dire, mais c'est bien, c'est bien. Et genre, toi, t'aimes regarder quoi à la télé? Le Royaume, puis quoi d'autre? Le Royaume, je sais pas. Ouais, je pense que tu le connais par cœur, hein, celui-là. Il y a d'autres choses que t'aimes bien regarder à la télé? Hakuna Matata. Oui. Le? Kutata. Oui, le Titanic aussi, je crois. Oui. T'aimes bien regarder le Titanic? Oui, Titanic. Et il se passe quoi? Le bateau, il fait quoi? Pas de couler sur ma... Les directions, ils n'étaient pas là. Ici. Voilà. Sous la mer. Puis moi, le sport. Le sport, voilà. Samuel, c'est le sport. Vélo, le rugby, le match, tennis. Tout. La totale. Tu nous saoules. C'est vrai, hein? Tu nous saoules, tu vas finir au sous-sol, hein? Mais on n'a rien dit. Personne ne nous saoule ici. Il n'y a pas de sous-sol. En plus, il n'y a pas de sous-sol. Il y a une... Bon, bah voilà, pour les séries. C'est bon. C'est bon, Alexis? Chalet oui. Tout ce que tu de dire. Pierre. Chalet de Pierre. La prochaine musique, c'est Frédéric. Poirot. Alors, c'est deux chanteurs. Il y a Maître... Ouais. Et Via... Le chanteur Via... Né. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, la même, hey, hey, hey, aïe, aïe, aïe. dérange les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Chérie, la vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Merci Frédéric. Merci. Alors maintenant, on était parti à faire quel sujet ? Le sport. Oui. Le. Alors de quoi on parle en ce moment ? Le foot. Oui, c'est quoi en foot ? Le match. Oui, mais c'est quoi en ce moment ? C'est la Coupe de France, c'est quoi ? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Donc qui réunit tous les pays, beaucoup de pays en tout cas. Toi, alors, qu'est-ce qu'il y a eu déjà ? Ça a commencé, Samuel ? Est-ce que ça a commencé, la Coupe du Monde ? Oui. Déjà, oui. Oui, c'était hier. C'était qui a joué hier ? La Russie. Oui, la Russie, qui est le pays qui reçoit la Coupe du Monde, le pays hôte. Et puis le vert aussi. C'était la Russie contre Lara. Karabi Saoudite. C'est pas facile. Je sais pas. Est-ce que tu connais le score? Alors, qui a gagné? Non, un marqué. A, compte tous les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Non. Ah oui. 0. C'était 5-0. Oui. Et pour qui 5 buts? La France. Non, la France, c'était pas la France qui jouait. C'est la Russie contre l'Arabie Saoudite. Qui c'est qui a gagné 5-0? La Russie, la rouge. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est la Russie. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais quel match il y a? Connais, il y a toi? Trois matchs. Ah, mais c'est pas à moi qu'on pose la question. Vas-y, je t'aide. Samuel, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a trois matchs, mais il y a un match très important ce soir, avec deux bonnes équipes. Portugal. Oui, contre Espagne. Voilà, ça va être un beau match, normalement. Ronaldo, il joue? Oh, sûrement, oui, probablement. Je connais. Il joue dans quel pays? Ah, Portugal. Oui, voilà, dans le Portugal. Et Marilyn sera également devant sa télé, tu le sais, bah oui. Que c'est une supportrice ardente du Portugal. Portugal. Ronaldo, il joue. Après, ce sera samedi midi, oui. La France. Entre la Russie. Vas-y, redis, on n'a pas entendu Samuel. C'est qui joue samedi midi? La France. Ouais, la France. Qui effectuera son premier match. Est-ce que vous serez devant votre télé pour regarder le match? Moi. Samuel, oui, ok. Moi. Toi aussi. Qui d'autre? Frédéric. Oui. Alexis, est-ce que tu regarderas le match samedi midi? Oui. Oui. Avec quelqu'un? Avec papa. Moi aussi, avec papa. Mon frère. Toi aussi, Katia, tu seras où ce samedi? À la masse. À la masse. Donc, on va penser à demander à regarder, oui. Vous pouvez très bien manger dans le salon devant la télévision pendant le match. Exceptionnellement. Et toi, Jean, est-ce que tu regardes le foot? Quoi? Est-ce que tu regardes le foot à la télé? Le ballon. Oui, le ballon. Est-ce que tu regardes à la télé le ballon? C'est toi, Thierry. Il faut que ça m'en... Ah, mais est-ce que tu me parles du ballon qu'il y a au bar chez toi parce que tes parents tiennent une ferme auberge ou tu me parles du ballon foot? Oui, je crois le bar, ouais. Au bar, parce que tu connais plus le ballon du bar que... Le ballon du foot. Voilà. Le ballon qui roule. De toute façon... Et toi, Frédéric, tu vas regarder? Oui, je vais regarder, bien sûr, oui. Donald, t'as quoi j'ai une fois tous les 4 ans, faut pas se priver. C'est tout le semaine, non? Le match. Il y a des matchs un peu tous les jours. Oui. Des fois, il y en a un par jour, des fois, il y en a deux, ça dépend. Et durant un mois. Voilà. Et samedi prochain, on a... Les Français ont... Vous jouerons encore dans la semaine, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, et rejoueront... Si. C'est jeudi. Jeudi. Là, c'est lundi, mardi, mercredi, non. Tous les jours. C'est jeudi, la France. Jeudi. C'est le rang maintenant. Et Samuel, comme c'est un fervent supporter de l'équipe de France, il a décoré sa chambre à l'intérieur. Un crapaud. Très bien. Et il me semble que hier, vous avez même été acheter des... Des accessoires pour supporter les bleus. Oui. Comment ça s'appelle? Pécules. Des nuques. Des perruques. Parce que les pellicules, c'est une chose. C'est quoi le... Et puis quoi, du... Vous avez acheté du maquillage aussi? Non, des lunettes. Ah oui, des lunettes. Des lunettes de... Portatif. C'est beau, hein? Auto-laveuse. C'est quoi, truc portatif? Et du coup... On met ta musique? Pour moi. Voilà, tu avais choisi La foot. Ouais, c'est le... Le titre de la musique, c'est le mondial. Mondial. Voilà, c'est chanté par la chanteuse Tal. Super. On y va. Danser, oublier tout le monde. On est venu danser, oublier que tout va mal. You gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Merci. Oh, c'était beau, musique, hein. C'est entraînant. C'est la dernière émission que l'on fait avant les vacances. D'été. Ah, Marie, ouais, elle va parler de nos sorties cette semaine. Allez, on va donner quelques dates des sorties. Vas-y, Samuel. Le chien visiteur, mercredi. Voilà, la semaine prochaine, mercredi, il y a la sortie chien visiteur. Roland Marchand. Les avions avec Nina, avec Miss Claude. Pas trop vite, Samuel. Alors, mercredi, chien visiteur, on va sur... Saint-Dier. Super. Jeudi, c'est la journée roulant marchons. Alors, c'est quoi la journée roulant marchons? Marcher. On va marcher sur... Le lac... On va marcher sur le lac? Non, les pistes vertes, c'est le lac Saussure à pied. Voilà, on va marcher sur la voie verte avec plein d'établissements de pays. Et on se rejoint tous pour un pique-nique au lac. Ouais, donc ça c'est jeudi. Après vendredi. Barbecue. Alors c'est quoi le barbecue? C'est avec manger, saucisses. Avec les parents. Voilà, c'est une journée qu'on fait avec vos parents qui ne travaillent pas, qui sont disponibles pour partager un repas sympa. Madame Ferry. Voilà. Et les saucisses sont achetées où, Samuel? À Courbevoie. Et c'est les saucisses de qui? Joël. Voilà. Après le 1er juillet, aux avions avec Nena, Jean-Jacques, Corinne, tout court. Tu vas voir les avions à Nancy, au Chêne. La classe, hein. Roulant marchand. Il y a plein de choses, hein. Moi, je vais raconter. Après, c'est les vacances, voilà, pour vous. Il y en a certains qui sont en vacances après. Frédéric Poirot et Frédéric Jalin. Voilà. Oui. Marion. Non, pas moi. T'as pas envie d'être en vacances? Si, il y a Loulette qui vient chez maman. C'est super, tu t'en vas en plus, toi. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire où c'est que tu pars? À Paris, le Monial. En Bourgogne. Ouais, c'est super. C'est cool, tu nous feras des photos. J'enverrai une carte. Ah, c'est sympa. Une grosse carte. Est-ce qu'on a le temps, Marion, de passer la dernière musique de Katia? Alors, Katia, avant que l'émission se finisse, c'était ta chanteuse, Nolwenn. Pas Nolwenn. Nolwenn le roi, et la chanson, c'est... Ri... L'audio wong, on est d'un viage, trimarte l'audio wong, tra la la la la la la, trimarte l'audio wong, on est d'un viage, on est d'un viage gay, on est d'un viage, on est d'un viage gay. Dans la belle bête cassette, Merci bien, Katia. Merci. Pour cette dernière chanson. Bon. On va se dire au revoir. Oui. Un bel été, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Oui, voilà, on n'a pas encore de date, on verra. Encore pas de date. Et puis, voilà. Au revoir. Avant la fin, là, il reste 10 secondes. Non. À part dire au revoir à tout le monde. Je sais qu'ils sont pas en vacances. Eh ben, ma foi, à bientôt. À bientôt. À la rentrée. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais... Frédéric, non. Ah, on attend.